الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، chers auditeurs, nous continuons ensemble la lecture du livre Kashf al-Shubuhat, Dissipation des ambiguïtés, écrit par l'imam Muhammad ibn Sulayman, At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Nous avons lu hier les paroles de l'auteur, rahimahullah, mentionnant la neuvième ambiguïté avancée par les adeptes du polythéisme pour justifier l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les morts, les tombes et les mausolées, prétendant que ces actes qu'ils font auprès de ces tombes et autres ne font pas sortir leur auteur de la religion de l'islam. Et nous avons vu que cette ambiguïté consiste à dire que les gens de la sunna, les gens du tawhid, les prédicateurs à Allah qui appellent à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et mettent en garde contre le polythéisme sous toutes ses formes, majeures ou mineures, que ceux-ci taxent de mécréance les musulmans. Et ils disent, comment pouvez-vous nous comparer aux premiers polythéistes alors que nous attestons que la ilaha illallah et que Mohammed est le messager d'Allah, que nous croyons à la résurrection, que nous croyons au Coran, et ainsi de suite parmi les choses que l'on a vues dans le cours d'hier. Et le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné 9 réponses à cette ambiguïté, et nous avons vu les 7 premières dans le cours d'hier. Ensuite, il a dit, mentionnant la 8e et la 9e, وَمِنَ الدَّلِيلَ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا. Et parmi les preuves de cela également, مَحَكَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلِ مَعَ إِسْلَامِهِمْ وَعِلْمِهِمْ وَصَرَاحِهِمْ أَنَّهُمْ قَالُوا لِمُوسَى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها. Donc le cheikh rahimahullah mentionne à titre de réponse à cette ambiguïté ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné au sujet des enfants d'Israël. Malgré qu'ils étaient sur l'islam, c'est-à-dire l'islam dans son sens général, l'islam qui est la religion de tous les prophètes, alayhimu salatu wassalam, et qui consiste notamment à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne à leur sujet, au sujet des enfants d'Israël, qui étaient sur l'islam, qui avaient la connaissance, la science, et qui avaient une certaine vertu. Malgré cela, ils ont dit à Moussa alayhi salam, désigne-nous une divinité comme ceux-là ont des divinités. Et ceci a eu lieu après qu'ils aient été sauvés de Pharaon et son armée. Ils sont passés auprès d'un peuple qui vénérait certaines divinités. Et ils ont adressé cette demande à Moussa alayhi salam. Et Moussa les a sévèrement blâmés. Et entre dans cela également la parole de certains parmi les compagnons radiyallahu anhum qui étaient récemment entrés en islam et qui ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, désigne-nous un dhat anwat. Et ce qui est visé par dhat anwat, c'est un arbre auquel les polythéistes accrochaient leurs armes afin d'y trouver la bénédiction. Donc ils sont passés auprès de ces polythéistes qui accrochaient leurs armes de cette manière sur ces arbres, appelés dhat anwat, et ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur désigner eux aussi un arbre où accrocher leurs armes afin de trouver la bénédiction dans cela. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a juré que ceci était semblable à la parole des enfants d'Israël à Moussa lorsqu'ils lui ont dit « désigne-nous une divinité ». Donc le cheikh rahimahullah, il nous mentionne ces deux histoires et nous explique quelle est l'ambiguïté des polythéistes avec ces deux récits et quelle est la réponse à donner à leur ambiguïté. Et il dit « Walakin lil mushrikina shubha » يدلون بها عند هذه القصة وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. Il dit, les polythéistes, ils ont une ambiguïté qu'ils avancent au sujet de ce récit. Et c'est qu'ils disent que les enfants d'Israël qui ont prononcé cette demande à Moussa alayhi salam, ils ne sont pas devenus par cela mécréants. Et de la même manière, ceux qui ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, désigne-nous un dhat an wat, ils ne sont pas devenus par cela mécréants. Donc c'est comme s'ils voulaient mentionner cela à titre de preuve, montrant que eux, ce qu'ils font auprès des tombes et des mausolées, ne les fait pas sortir de la religion de l'islam. Donc le shaykh, rahimahullah ta'ala, nous dit, فَالْجَوَابُ أَنَّقُولُ La réponse est que nous disons, إِنَّ بَنِي إِسْرَائِلْ لَمْ يَفْعَلُوا Les enfants d'Israël, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas fait cet acte, ils ont simplement adressé la demande à Moussa alayhi salam. وَكَذَلِكَ الَّذِينَ سَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَمْ يَفْعَلُوا Et de la même manière, ceux qui ont adressé cette demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas agi en conséquence. Une fois qu'ils ont été blâmés, les enfants d'Israël par Moussa alayhi salam, et les compagnons, radiyallahu anhum, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont abstenus et ont délaissé cette chose qu'ils avaient demandée. Et le shaykh, rahimahullah ta'ala, de nous dire, « Wa la khilaf anna bani Israël » لو فعلوا ذلك لكفروا وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا وهذا هو المطلوب. Il dit mais il n'y a pas de divergence, c'est-à-dire il n'y a pas de divergence entre les savants concernant le fait que si les enfants d'Israël avaient fait cela, alors ils seraient devenus mécréants. Et de la même manière, il n'y a pas de divergence concernant le fait que ceux à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela, s'ils ne lui avaient pas obéi et qu'ils avaient pris un dhat an wat, c'est-à-dire un arbre pour accrocher leurs armes afin d'y trouver la baraka, afin d'y trouver la bénédiction. S'ils avaient fait cela après l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ils seraient devenus mécréants. Et le cheikh dit, et c'est cela qui est attendu, qui est recherché, c'est-à-dire que ceci est la réponse à cette ambiguïté. Celui qui fait un acte de mécréance, il sort de la religion de l'islam. Celui qui prend une divinité autre qu'Allah, c'est-à-dire qui adore une chose quelconque autre qu'Allah, il sort de la religion de l'islam. Quant à eux, ils ont simplement adressé une demande concernant une chose qu'ils pensaient être bonne. Et lorsqu'ils ont été blâmés, ils ont immédiatement abandonné cette idée. Et c'est pour cela qu'ils ne sont pas devenus mécréants. Ensuite, le shaykh, rahimahullah ta'ala, il nous apporte quatre bénéfices à tirer de ces deux récits. Le récit des enfants d'Israël et le récit de ceux qui ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam un dhat an wat. Et il dit, « Walakin, هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها. » Toutefois, ce récit nous apporte comme profit, comme bénéfice, que le musulman, al-muslim, et même le savant, peut tomber dans certaines formes de shirk qu'il ne connaît pas. Subhanallah. Il est possible qu'un musulman, ou même un savant, tombe dans certaines formes de shirk qu'il ne connaît pas. Regardez la situation de ceux qui ont adressé cette demande dans le récit de Moussa alayhi salam. Ils étaient avec un prophète qui est un des meilleurs des prophètes, Moussa alayhi salam. Et dans le deuxième récit, ils étaient en compagnie du meilleur des hommes et du meilleur des prophètes et du plus savant des hommes et des prophètes, alayhi salatu wassalam. Malgré cela, ils ont vu ce shirk qui était commis devant eux. Ils ont pensé que c'était une bonne chose et ont pensé que ceci était aimé par Allah et que cela faisait partie des adorations qui les rapprocheraient d'Allah. Alors que dire d'une personne qui se trouve loin du temps de la prophétie et qui ne tient compagnie à aucun prophète? Il n'y a pas de doute qu'il est bien plus en danger et qu'il y a d'autant plus de risques qu'il tombe dans certaines formes de polythéisme. Wallahu al-musta'an. Le deuxième profit qui découle de ce premier profit est que l'auteur nous dit « فَتُفِيدُ التَّعَلُّمُ وَالتَّحَرُّزُ » Ce récit nous indique donc comme profit l'apprentissage et la prévention. L'apprentissage et la prévention, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'étant donné qu'une personne musulmane ou même une personne savante, il peut lui arriver de tomber dans certaines formes de polythéisme sans s'en rendre compte ou sans en avoir connaissance, alors il est obligatoire pour nous d'apprendre afin de savoir quelles sont les causes nous permettant d'obtenir le salut. Car il n'est pas possible d'obtenir le salut si ce n'est par la science, si ce n'est en connaissant la vérité, afin de pouvoir la mettre en pratique, et en connaissant son contraire, afin de pouvoir s'en écarter. Donc tu dois apprendre le tawhid, mettre en pratique le tawhid, mais tu dois également apprendre qu'est-ce que le shirk, quelles sont les formes de shirk, quelles sont les catégories de shirk, et ce, afin de pouvoir t'en écarter. Et on a déjà mentionné la parole de Hudhayfa radiallahu anhu qui disait « Les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'interrogeaient au sujet du bien, quant à moi, je l'interrogeais au sujet du mal par peur qu'il ne m'atteigne. » Par peur qu'il ne m'atteigne. C'est pour cela qu'on doit apprendre qu'est-ce que le shirk. Donc le shaykh, il nous dit, ceci nous apporte comme profit l'apprentissage, c'est-à-dire l'apprentissage du tawhid et l'apprentissage du shirk afin de pouvoir s'en préserver. Et Tufid également, elle nous apporte également comme profit at-taharruz. At-taharruz, c'est-à-dire la prévention, le fait de se mettre à l'abri. Et ce, en te remettant en question dans chacun de tes actes, en remettant en question tes intentions, en veillant à être sincère et avouer le culte exclusivement à Allah. Lorsque tu t'apprêtes à accomplir une action, tu fais ton autocritique. Tu analyses ce qui se trouve dans ton cœur et quelle est la motivation de cet acte, afin d'être sûr de n'agir que pour Allah subhanahu wa ta'ala et te préserver de tout ce qui pourrait souiller cette intention. Donc le shaykh nous dit, ceci nous apporte comme profit l'apprentissage et la prévention. Tu apprends et tu fais attention, tu te mets à l'abri en faisant ton analyse, ta propre analyse de ta personne et de tes intentions, en faisant ton autocritique, en cherchant à te corriger, à te réformer afin de ne pas tomber dans le polythéisme. Ensuite, il dit également que cela apporte comme profit wa ma'rifa anna qawl al-jahil at-tawhid fahimna anna hada min akbar al-jahli wa makaid ash-shaytan. Ceci nous apporte également comme profit de savoir que la parole de l'ignorant, regardez bien comment il a qualifié cette personne, il la qualifie d'ignorante. La connaissance que la parole de l'ignorant disant nous avons compris le tawhid. Et comme sont nombreux les gens aujourd'hui qui prétendent avoir compris le tawhid. Lorsqu'on leur propose un cours de tawhid, ils disent « Oui, mais ça c'est bon, nous l'avons déjà étudié, nous l'avons compris. » On préférerait des cours sur d'autres sujets. Ils sont attirés par les sujets d'actualité, ils sont attirés par les sujets qui sont tendance et ainsi de suite. Et ils se détournent de ce qui est le plus important et qui est la base et le fondement même de leur religion. Certains pensent que sous prétexte qu'ils ont lu une fois les trois fondements et son commentaire, ou qu'ils ont lu le livre de l'unicité, c'est bon, ils ont compris le tawhid. Le shaykh, rahimahullah ta'ala, il nous dit ici que ça, c'est la parole d'un ignorant. Celui qui dit « j'ai compris le tawhid », c'est un ignorant, et cela signifie qu'il n'a pas compris le tawhid. Car s'il aurait compris le tawhid, il n'aurait pas prononcé cette parole démontrant son ignorance. Donc le shaykh nous dit que ceci fait partie des plus grandes formes d'ignorance et des ruses du diable. Et le shaykh Mohammed ibn Ibrahim al-Shaykh, qui est un descendant de l'auteur, rahimahum Allah ta'ala, nous dit que cette parole a été prononcée par certains étudiants en sciences lorsque l'auteur, rahimahum Allah ta'ala, ne cessait de leur renseigner le tawhid, et plus particulièrement le livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid. Donc certains ont dit, c'est bon, le tawhid, nous l'avons compris. Et c'est comme s'il voulait étudier d'autres livres avec lui. Alors l'auteur, rahimahullah ta'ala, l'a blâmé ici, par cette parole, en disant que ceci est la parole d'un ignorant, que ceci fait partie des plus grandes formes d'ignorance et que cela fait partie des ruses du diable. Et c'est comme s'il lui disait, en réalité, tu n'as pas compris le tawhid jusqu'à aujourd'hui. Et le récit des enfants d'Israël et des compagnons qui ont demandé cet arbre, Zatanwat, nous démontre l'ignorance de cette personne qui prétend connaître le tawhid. Donc le tawhid, on ne doit pas dédaigner cette science, ni son apprentissage, ni son enseignement, ni la lecture de ses livres, ni l'écoute des cours traitant de tawhid et ainsi de suite. Car si on délaisse cet apprentissage, si on délaisse cet enseignement, si on méprise cette science, qu'est-ce qui risque de se produire? On risque de tomber dans ce qui s'oppose au tawhid. Et nul n'est tombé dans la perdition et n'a péri et ne s'est égaré parmi ceux qui s'affilient à la religion de l'islam, si ce n'est en raison du fait qu'ils n'ont pas donné à cette science sa juste valeur. Ils n'ont pas donné au tawhid son droit. Ils n'ont pas cherché à connaître le tawhid comme il se doit. Et ils ont pensé qu'il suffit, pour être musulman, de simples prétentions, de prononcer avec sa langue la double attestation de foi sans même en comprendre le sens et dire « je suis musulman ». Et n'ont pas cherché à savoir qu'est-ce qui s'oppose à cette parole, qu'est-ce qui contredit cette parole, qu'est-ce qui annule cette parole. Ils n'ont donc pas appris le tawhid, ils ne se sont pas mis à l'abri, ils n'ont pas fait les causes de prévention pour se préserver du shirk. Et parmi les choses qui sont rapportées de l'auteur du livre, Muhammad ibn Sulayman al-Tamimi, rahimahullah, le fait qu'un jour, il a voulu donner une leçon à ses étudiants. Il est donc venu à ses élèves et leur a dit « On rapporte que la nuit dernière, un homme a été trouvé avec sa mère en train de commettre le péché de la chair. Alors les gens présents se sont écriés que ceci est une chose gravissime et répréhensible. Et effectivement, c'est une chose très grave. Et toute personne à la saine nature blâmera cette chose répréhensible. Mais il a vu que cela a provoqué chez eux la réprobation, le blâme, et qu'ils comprenaient la gravité de ce péché. Il vint un autre jour et leur dit « Il y a quelqu'un qui a été touché par une grave maladie. » On lui a alors dit « Égorge un petit coq pour le wali un tel, pour tel saint ou pour tel sidi. » Et ils restèrent silencieux. Alors le shaykh, rahimahullah ta'ala, leur expliqua que le premier, qui avait commis le péché de la fornication, de manière aggravée, il était certes tombé dans une turpitude, mais cette turpitude n'annule pas l'islam et n'annule pas le tawhid. Malgré sa gravité, son auteur reste du nombre des musulmans. Tandis que l'autre, qui égorge un coq pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, celui-ci a annulé le tawhid dans son intégralité. Et il est sorti de la religion de l'islam. Et ceci est d'autant plus blâmable que le péché précédent. Malgré cela, ils ne l'ont pas réprouvé comme ils ont réprouvé le premier. Et telle est la situation de la majorité des gens aujourd'hui. Et il n'y a qu'à voir pour des péchés encore moins gravissimes. Il se peut qu'une personne parmi les musulmans trouve plus grave de voir une personne affiliée à l'islam en train de manger du porc, plus qu'il ne le blâmerait s'il le voit se frotter à la tombe d'un saint ou d'un sidi ou je ne sais quoi. Il se peut que pour lui le péché de manger du porc soit une chose gravissime que seule une personne ayant perdu la foi dans son cœur pourrait commettre. Mais s'il voit quelqu'un se rendre auprès d'une tombe pour invoquer l'habitant de cette tombe, pour sacrifier pour l'habitant de cette tombe ou autre chose semblable parmi les formes de shirk, il se peut qu'il ne le réprouve pas autant, Wallahul Musta'an. Donc ceci nous montre que le tawhid n'a pas été compris en réalité. Ceci nous montre l'importance de sans cesse étudier le tawhid et enseigner le tawhid et faire comprendre et comprendre nous-mêmes avant tout que ceci est la base de la religion sans laquelle aucune de nos œuvres ne peut avoir de valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite le shaykh rahimahullah ta'ala nous dit, toujours mentionnant certains bénéfices de ces deux récits, le récit des enfants d'Israël et le récit de ceux qui ont demandé le droit à Noat. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. On tire également comme profit de ces deux récits que le musulman mujtahid, c'est-à-dire qui fait un effort d'interprétation, qui a une certaine compréhension des choses, si suite à cela il prononce une parole qui relève de la mécréance sans le savoir. Il ne sait pas que cette parole est de la mécréance. Et qu'on l'informe de cela, qu'on l'avertit que ceci est interdit, que cela est blâmable, et qu'il se repent immédiatement, qu'il délaisse cet acte, alors il ne devient pas mécréant. Comme cela est arrivé aux enfants d'Israël et comme cela est arrivé à ceux qui ont adressé cette demande au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Si la personne prononce une parole relevant de la mécréance ou du polythéisme, et qu'on l'avertit immédiatement et qu'elle se repent aussitôt, et qu'elle avait prononcé cette parole par ignorance, alors, à partir du moment où elle la délaisse aussitôt et qu'elle se repent, elle n'est pas sortie de l'islam et ne tombe pas dans la mécréance, incha'Allah ta'ala. وَتُفِيدُ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكْفُرْ فَإِنَّهُ يُغَلَّظُ عَلَيْهِ الْكَلَامِ تَغْلِيظًا شَدِيدًا كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. On tire également comme profit que bien qu'il ne devienne pas mécréant, ceci n'empêche pas d'être dur avec lui dans la parole et de lui adresser un blâme sévère comme l'a fait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc même s'il ne sort pas de l'islam, on doit tout de même le blâmer, car cette demande est d'une gravité extrême et on ne doit pas laisser passer cela comme une banalité. Wallahu musta'an. Ensuite, l'auteur rahimahullah a mentionné une dixième ambiguïté parmi les ambiguïtés des polythéistes qui vient en continuité de la précédente. Et c'est le fait de prétendre que toute personne qui dit « La ilaha illallah » ne peut être taxée de mécréance et ne peut être combattue, quels que soient ses agissements et ses paroles. Et ils ont mentionné certains hadiths pour appuyer cette thèse. Donc l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit « Walahum shubhatun ukhra » et ils ont une autre ambiguïté. « Yaqulun inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ankara ala Usama qatla man qala la ilaha illallah wa qala aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. » Ils disent le prophète sallallahu alayhi wa sallam a blâmé Usama radiyallahu anhu lorsqu'il a tué une personne qui avait dit la ilaha illallah. Il lui a dit: l'as-tu tué après qu'il ait dit la ilaha illallah? Et ceci est arrivé lors d'une bataille, alors que Usama radiyallahu anhu leva son épée pour tuer un mécréant de l'armée opposée. Ce dernier dit la ilaha illallah. Et Usama radiyallahu anhu le tua tout de même, pensant qu'il n'avait dit cette parole que par peur de se faire tuer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a blâmé pour cela. Et on va voir pourquoi dans les lignes suivantes, inshallah. Il mentionne aussi comme preuve de cette ambiguïté la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Umirtu an uqatil an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah » Il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. Et c'est comme s'il voulait insinuer qu'une fois qu'ils ont dit la ilaha illallah, ils ne sont plus combattus, ils ne sont plus mécréants quoi qu'ils fassent. « Wa ahadith ukhar fil kaffi amman qalaha » Et d'autres hadiths démontrant que l'on doit s'abstenir, c'est-à-dire de combattre ou de taxer de mécréance, celui qui prononce cette parole. Donc le cheikh, il nous dit « وَمُرَادُ هَهُ لَهِ الْجَهَلَ أَنَّ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَا إِلَى اللَّهِ لَا يُكَفَّرْ وَلَا يُقْتَلْ وَلَوْ فَعَلَ مَا فَعَلَ » Et ce qui est visé par ces ignorants est que celui qui dit « La ilaha illallah » il n'est pas taxé de mécréance et il n'est pas tué quoi qu'il fasse, quels que soient ses agissements. Comme s'il suffisait pour être musulman de dire « La ilaha illallah ». Même si la personne fait ce qui s'oppose à « La ilaha illallah ». Même si la personne n'agit pas selon ce qu'exige la prononciation de cette parole et ainsi de suite. Donc le cheikh, il va nous donner la réponse à cette ambiguïté et il dit « فَيُقَالُ لِهَاهُلَا الْمُشْرِكِينَ الْجُهَالِ مَعْلُومٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَاتَلَ الْيَهُودُ وَسَبَاهُمْ وَهُمْ يَقُولُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ » On dit donc à ces polythéistes ignorants. Il est connu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ceci est un fait historique seulement qui est retracé, et non pas un appel à la haine ou je ne sais quoi comme cela pourrait être compris par certaines personnes mal intentionnées. Il est connu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, a combattu les juifs et en a pris certains captifs alors qu'il disait la ilaha illallah. En effet, les juifs à son époque prononçaient cette parole. Wa an ashab rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qatalu bani hanifa wa hum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yusallun wa yad'un al-islam. Et les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ont combattu bani hanifa alors qu'ils attestaient que la ilaha illallah et que Muhammad est le messager d'Allah et qu'ils priaient et qu'ils prétendaient l'islam, ils mettaient en pratique l'islam en apparence. Et ceci n'a pas empêché les compagnons radiyallahu anhum de les combattre à partir du moment où il est apparu d'eux ce qui s'oppose à l'essence même de cette parole, lorsqu'ils ont rendu licite ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, comme on l'a vu dans le cours d'hier. وَكَذَلِكَ الَّذِينَ حَرَّقَهُمْ عَلِيُّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Et de la même manière ce que Ali ibn Abi Talib a brûlé par le feu, comme on l'a vu dans le cours d'hier, ceux qui l'ont pris comme divinité en dehors d'Allah. Il les a tués et condamnés à la peine capitale et les compagnons, radiyallahu anhum, ne se sont pas opposés à lui en cela. وَهَهُ لَهِ الْجَهَلَ مُقِرُّونَ أَنَّ مَنْ أَنْكَرَ الْبَحْثِ كَفَرَ وَقُتِلَ وَلَوْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ مَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ كَفَرَ وقتل ولقالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه؟ Il dit ces ignorants, c'est-à-dire les polythéistes, ils reconnaissent et acceptent que celui qui renie la résurrection, il est mécréant, il est combattu et tué, même s'il dit la ilaha illallah. Celui qui renie la résurrection, c'est une forme d'apostasie. Même s'il dit la ilaha illallah, il n'est plus musulman. Et de la même manière, celui qui renie une chose parmi les piliers de l'islam, que ce soit la prière, la zakat, le jeûne ou le pèlerinage, il devient ainsi mécréant et condamné à la peine capitale, même s'il dit la ilaha illallah. Donc comment cette parole n'est pas profitable à la personne lorsqu'elle renie une chose faisant partie des branches de l'islam, et elle lui profite lorsqu'il renie le tawhid qui est la base et le fondement essentiel de la religion des messagers alayhi mussalatu wassalam. Donc on voit ici la contradiction de ces personnes. Ensuite il dit rahimahullah, walakin a'da Allah ma fahimu ma'na al-ahadith. Mais les ennemis d'Allah, c'est-à-dire parmi les polythéistes, n'ont pas compris le sens de ces hadiths. Et le shaykh, rahimahullah ta'ala, va nous les expliquer. Il dit, فأما حديث أسامة رضي الله عنه فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله. Quant au hadith de Usama رضي الله عنه, alors ce dernier a tué un homme qui avait prétendu l'islam car il pensait qu'il n'avait prétendu l'islam et prononcé la ilaha illallah que par peur pour son sang et ses biens. Par peur de la mort, par peur de se faire tuer par Usama. Donc il pensait qu'il prononçait cela par hypocrisie. C'est pour cela qu'il l'a tué. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « وَالرَّجُلْ إِذَا أَظْهَرَ الْإِسْلَامِ وَجَبَ الْكَفُ عَنْهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مِنْهُ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ » Et lorsque l'homme montre en apparence l'islam, il est obligatoire de s'abstenir à son sujet, c'est-à-dire il n'est pas permis de le combattre, ni de le tuer, jusqu'à ce qu'apparaisse de lui une chose qui s'oppose à cela, une chose qui s'oppose à l'islam. وَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي ذَلِكَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا أي فَتَثَبَّتُوا. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à ce sujet sa parole selon le sens rapproché. Ô les croyants, lorsque vous sortez pour lutter dans le sentier d'Allah, voyez bien clair, c'est-à-dire ne vous hâtez pas. Lorsque la personne laisse apparaître l'islam, il est obligatoire de s'abstenir à son sujet. Le shaykh rahimahullah ta'ala nous dit فَالْآيَا تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ يَجِبُ الْكَفُّ عَنْهُ والتثبت. Le verset, il nous indique que deux choses sont obligatoires. S'abstenir au sujet de cette personne, c'est-à-dire qu'il se trouve sur le champ de bataille, mais celui-ci montre l'islam. Donc il s'abstient, il ne peut plus le tuer ni le combattre. Mais ensuite, il y a une deuxième chose qui est obligatoire. On ne s'abstient pas seulement, on ne dit pas c'est bon, son sang est définitivement sacré, non. La vérification. On vérifie qu'il est bel et bien entré en islam. فَإِنْ تَبَيَّنَ مِنْهُ بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل. Et si après cela apparaît de lui une chose qui s'oppose à l'islam, alors il est condamné à la peine capitale. لقوله فتبينوا. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit, vérifiez, voyez bien clair, ne vous hâtez pas. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. Et s'il ne serait plus jamais tué après avoir prononcé cette parole, alors il n'y aura aucun sens à vérifier, c'est-à-dire à vérifier son islam. Ensuite, le shaykh, rahimahullah ta'ala, dit وَكَذَلِكَ الْحَدِيثُ الْآخَرُ وَأَمْثَالُهُ مَعْنَاهُ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ مَنْ أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ وَالتَّوْحِيدُ وَجَبَ الْكَفُّ عَنْهُ إِلَىٰ أَنْ يَتَبَيَّنَ مِنْهُ مَا يُنَاقِضُ ذَلِكَ. Il en est de même pour l'ensemble des autres hadiths qui vont en ce sens. Toute personne qui montre l'islam en apparence et qui montre le tawhid, il est obligatoire de s'abstenir à son sujet jusqu'à ce qu'apparaisse de lui ce qui s'oppose à cela. À partir du moment où il a montré l'islam, alors il ne peut être combattu ni tué. Son sang devient temporairement sacré. Puis ensuite, on vérifie qu'il ne fait rien qui s'oppose à l'islam, qui s'oppose au sens de la ilaha illallah. Et s'il fait une chose qui s'oppose au sens de la ilaha illallah, alors il est condamné par le gouverneur musulman, le détenteur de l'autorité, à la peine capitale. والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة رضي الله عنهم فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. Il dit donc, le cheikh, la preuve à ce sujet, que dire la ilaha illallah n'empêche pas d'être combattu et d'être condamné à la peine capitale, et que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a blâmé Oussama en lui disant « Tu l'as tué » après qu'il ait dit « La ilaha illallah » et celui qui a dit « Il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent « La ilaha illallah » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a prononcé ces paroles, c'est lui-même qui a dit au sujet des khawarij « Où que vous les rencontriez, tuez-les. Et si je les atteins, si je les rencontre, je les tuerai certes à la manière de Ad. » Malgré que les khawarij sont parmi les gens ceux qui faisaient des adorations les plus abondantes et qui prononçaient la ilaha illallah de manière abondante, au point même que les compagnons radiyallahu anhum méprisaient leurs prières auprès d'eux tellement les khawarij faisaient des adorations. Et eux, ils avaient appris la science auprès des compagnons radiyallahu anhum. Mais la parole la ilaha illallah ne leur fut d'aucun profit, ni même leurs nombreuses adorations, ni même leur affiliation à l'islam, lorsqu'il est apparu d'eux, l'opposition à la charia. Ils se sont opposés à la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de les tuer. Bien qu'il disait, « La ilaha illallah ». وَكَذَلِكَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ قِتَالِ الْيَهُودِ وَقِتَالِ الصَّحَابَ بَنِي حَنِيفَ. Et il en est de même, concernant ce qui a été mentionné, concernant les faits historiques au sujet des combats contre les juifs et des combats des compagnons radiyallahu anhum contre Bani Hanifa, qui disait la ilaha illallah, mais que cela n'a pas empêché les compagnons radiyallahu anhum de les combattre. وَكَذَلِكَ أَرَادَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنْ يَغْزُوَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ لَمَّا أَخْبَرَهُ رَجُلٌ أَنَّهُ مَنَعُ الزَّكَاةِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. Et de la même manière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu combattre la tribu de Banu Mustaliq lorsqu'un homme l'informa qu'il refusait de verser la zakat, que les gens de cette tribu refusaient de verser la zakat. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam le verset suivant dans le sens rapproché, « Ô vous qui avez cru, si un pervers vient à vous avec une nouvelle, voyez bien clair, c'est-à-dire vérifiez cette information, par crainte que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. » Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit, « وَكَانَ الرَّجُلُ كَاذِبًا عَلَيْهِمْ » Et l'homme qui avait rapporté cette information au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait menti à leur sujet. Quoi qu'il en soit, ce récit nous démontre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'apprêtait à combattre Banu Mustaliq lorsqu'il apprit qu'on disait à leur sujet qu'il refusait de verser la zakat. Pourtant, il disait la ilaha illallah. Mais il eut tout de même cette intention sallallahu alayhi wa sallam. فَكُلُّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُرَادَ النَّبِيِّ sallallahu alayhi wa sallam فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي يَحْتَجُّ بِهَا مَا ذَكَرْنَا. Et tout ceci démontre que ce qui était visé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths où il dit que l'on doit s'abstenir concernant la personne qui dit la ilaha illallah et ce que nous avons mentionné, c'est-à-dire que l'on s'abstient jusqu'à vérifier que la personne ne fait pas une chose qui s'oppose au fondement de l'islam. On a donc terminé concernant cette 10e ambiguïté et nous verrons la suite de cette épître